Ouais, bah ouais, 20 ans que t'as l'oreille. Je crois que c'est un bon exercice si tu veux faire de la musique, de faire de la musique. Tellement de gens. What? Why? Where from what? What was in the bed? All my mixers and you need artifact. Let's change. Let's la la la la la la la la la la la la la la la. Let's change. I'm sorry, something else. Can't be. Ça peut pas être d'audiaz, quoi. Mais du coup, ça peut ne pas être ça aussi. Non, tu veux encore d'autres dièses? Oh, pardon. Oh, désolé. Il y a du, il y a du.